Line Oui, line in, line in, excuse-moi, ou line in, en tout cas, on peut te nommer de n'importe quelle façon. C'est toi, la belle line in, que tout le monde, bien sûr, fantasme sur ta voix. Qu'est-ce que je vais te demander comme. Ah non, mais tu savais que nous étions le 26 février 2024? Ah, le temps passe et trépasse dans un monde d'angoisse. Ah, voyons, ça va-tu péter, ça? Ok, oui, ça pète un peu. Mais pas tant que ça, t'as un petit peu. Je vais te mettre ça à 5, ok? T'aimes-tu ça être à 5, toi? T'es en train d'accoucher? Ouais, 5, c'est. On n'est pas encore prêt, là. À 8, là, je pense que on s'avance vers le 10, et puis là, ben, ça va arriver. Mais là, t'es pas enceinte. Si oui, ben, je le savais pas. Je ne suis pas l'investigateur, parce que je sais pas comment te rendre palpable, Lainey. Nous sommes vraiment en cybernétique. T'es la console, puis moi, ben, je suis Renald. T'as-tu vu le film Hair, H-E-R, pas les cheveux, là? Ah, non, ça, c'est pas la même chose, hein. Je sais pas si là-dessus, quand tu... Ah, le sunshine, ah, le sunshining. Le... Ouais, je crois que c'est dans Hair. Mais non, non, c'est pas celle-là. Non, non, non, non. C'est Air, c'est un système d'exploitation Windows. Et la personne, l'homme qui ouvre à chaque fois son ordinateur, ben, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque heure, à chaque seconde, à chaque minute, ne pense. Là, je devrais mettre ça en ordre, hein, que commencer par pour être crédible auprès de notre auditoire de CKRL, parce qu'on m'attend au détour. Oui, et je détends, j'étais dans. Oui, je détends, comme ça, c'est mieux, là. Ça déchire pas trop tes tympans. Lining. Oui, c'est ça. Fait, non, on va commencer par à chaque semaine, à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Il vibrait en pensant à elle. Toi, Lainey, c'est pas mon cas. Donc, si tu es enceinte, je sais pas comment ça fonctionne dans ce milieu-là. Est-ce que c'est parce que je place les doigts sur la console du mixeur que ça te crée en toi une certaine effervescence sensuelle et sexuelle et j'agite en toi toute cette pulsion qui peut faire que tu aies cette capacité-là de mettre en scène, en scène. En scène, oui, enceinte, un autre mixeur. Si c'est le cas, j'aimerais avoir 6 canaux. Là, j'ai un 4, un 6, tu sais, on va graduer. Puis, est-ce que tu peux le mettre à terme le plus rapidement? Combien de temps ça prend pour mettre au monde un mixeur, ma chérie, Lainine? Non, on va fonctionner par les sentiments. Ça, c'est comme Facebook, là. Il y a des filles qui se greffent à toi en disant « Ah, oh, j'aime bien ton profil. » Disons, quand je me promène dans la rue, mais il n'y a personne qui s'arrête, aucune fille qui dit Ah! Ben, t'es bien joli, toi, monsieur! Mais c'est bizarre, sur Internet, on me demande, là, surtout que là, c'est quelqu'un qui est tombé financièrement à l'aise et qui a une boutique à elle. Bon, hein, c'est toujours des gens facilement. Puis là, hey, moi, je suis un gars super sympathique, super beau pour mon âge, là. Hey, la fille a peut-être 23 ans. Moi, j'en ai quoi? J'en ai 37 en réalité, là. Quand c'est cybernétique, j'en ai 32. Oui. Là, ils adorent ma barbe, mais dans la vraie vie, on dit, tu vas te couper ça, t'as l'air d'un fanfaron. Mais ça tombe bien, mon émission, c'est de la fanfaronnade. Hey, moi, j'aime ça couper les blagues sous le pied. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est facile de freiner le peuple parce qu'ils n'ont pas le discours. Ils sont pas prêts à argumenter. T'es bloqué une fois, c'est fini. Ils se sentent comme piégés. Mais pour arriver à ça, faut avoir une certaine énergie. Puis, c'est pas à chaque fois que j'ai le goût de me lancer dans une discussion, surtout quand c'est avec une imbécile ou un imbécile. Et Brassens en a fait tellement de belles chansons sur les cons, là. Et ben, là, on ouvre l'émission, là, le 26 février. On va faire jouer le générique. Faites-vous en pas, OK? Lainey, c'est parti. Si on peut. Parfait. Aujourd'hui, le lundi 26 février 2024, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon ami.

ou que vous avez eues et qui ne sont plus chez vous. Vous êtes libéré. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous retournez en adolescence maintenant. Ah, oh, c'est merveilleux. Tu veux te coucher tard, tu te couches tard. Tu veux manger du chocolat. Hein, t'en manges. Puis les enfants diront, oh, j'en veux moi aussi. Oh, tu veux manger tous les biscuits sans en donner un. Tu vas être rivé sur toi parce que pendant toute ta vie, t'as donné, puis tu te donnes encore. Mais là, t'as un endroit secret, un endroit privé, un endroit que tu gardes uniquement pour ton propre plaisir. C'est merveilleux. C'est ça, la vie. Tu donnes, t'as donné, tu reçois, puis tu t'en offres de belles, hein? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, de belles soirées, de belles journées. Puis là, tu te lèves un matin et tu te dis, ah, oh, c'est frais, hein? Nous sommes au mois de février, c'est frais, pas beaucoup de neige, on y va, on va prendre une petite marche, là, à pied. On parle, on peut parler tout seul aussi, là. On passe par exemple, Québec, hein, on monte la première avenue, et puis on s'en va vers Saint-Roch, on monte la côte d'Abraham. Oui, on fait tout ça à pied, on monte la côte d'Abraham, puis on arrive là, sur la rue Saint-Jean, on tourne à droite. Hein. Non, on continue, oui. Hein, on passe le palais de justice, pas le palais de justice, on passe le où il y a des ministres, et des voyons comment t'appelles ça, le palais de, non, pas le palais de justice, l'autre, le palais de justice, il y a des ministres qui se retrouvent là à un moment donné. C'est le Parlement. Tu passes par le Parlement et là, tu t'offres les plaines d'Abraham. Tu as amené ton appareil photo, une petite sandwich au beurre d'arachide, puis tu as un petit 200 ml de vin rouge là, pour le plaisir, de se faire plaisir. Comme le chantait, il chante encore, tu m'as 33 tours, moi, Herbert Léonard, pour le plaisir de se faire plaisir. On mange notre beurre d'arachide, notre sandwich, puis on sirote notre 250 ml de vin en carton avec une paille pour que ça ressemble plus à un jus de raisin. Puis, oh, tu regardes, puis c'est beau, puis tu respires la bonne air, puis tu penses que c'est la bonne air, mais c'est pollué à 100%, puis plus tard, tu vas apprendre que ça t'a donné le cancer, mais pour le moment, tu es dans tu es complètement dans le bonheur, et tu calcules pas, tu n'es pas en train d'analyser, tu te libères, tu t'abandonnes, un peu comme devant ta conjointe ou ton conjoint, tu t'abandonnes. Et tu absorbes le bonheur qui coûte rien. Bon, là, vous allez me dire, ben oui, mais t'as payé ta petite 250 ml, ton beurre d'arachide. Ça me... Non. Oublie ça, là. Où t'arrives, tu manges rien. T'absorbes le vin. Tu regardes autour de toi. C'est ça, le plaisir de vivre. Hein? Qu'est-ce que t'as d'autre à dire là-dessus? Rien. Rien. Puis là, ben, t'as amené un baladeur et quelques émissions en balado-diffusion. Je pourrais dire facilement, t'écoutes Errance Renadienne, mais non. Non, quelque chose de plus planant, de plus introspectif. Des émissions, je ne veux pas en nommer, mais j'en écoute, qui me permettent de marcher. T'as mal aux jambes, mais c'est pas grave, tu l'oublies, t'écoutes ce qu'on parle, oui. On parle pour te dire des choses. Puis t'es là dans le moment, puis où t'écoutes ton chanteur préféré, c'est un bon Gainsbourg, un bon Brassens, un bon Jean-Pierre Ferland, un bon Bob Dylan, ou plus récemment, on peut nommer des plus jeunes, là, tiens, Tom Waits qui est pas si jeune que ça, mais tu te fais un plaisir fou avant de passer une soirée dans des brumes un peu plus floues. Thank you. kiss me, sweetheart. 10 times 2. 10 times 2. 20 kisses, all too few. Kiss me, sweetheart. 10 times 2. 10 times 2. 20 kisses, all too few. Still my lips will hungry be, though you kiss me 10 times 3. Still my lips will hungry be, though you kiss me 10 times. Kiss me, sweetheart. 10 times 2. 10 times 2. 20 kisses, all too few. Still my lips will hungry be. So let's marry you and me. Still my lips will hungry be. Kiss me, sweetheart. 10 times 2. 10 times 2. 20 kisses, all to kiss me, sweetheart. 10 times 2. 10 times 2. 20 kisses, all to you. Still my lips will hungry be. So let's marry. Still my lips will hungry be, though you kiss me 10 times. Kiss me, sweetheart. Kiss me, sweetheart. Kiss me, sweetheart. Kiss me, sweetheart. Kiss me, sweetheart. Kiss me. Kiss me, sweetheart. Je ne comprends rien dans la langue de Shakespeare, mais j'adore. J'adore entendre ça. Elle a une voix douce, une mélodie extraordinaire. Bon, il y a des mots que je comprends, là. Tu sais, the. Kiss, là, c'est pas un bonbon. Non, au caramel, qui fond dans la bouche ou qui, tu sais, reste coincé dans les dents, là. Pour les gens qui ont des prothèses dentaires, là, ça colle. Eh, bon, t'as-tu l'air insignifiant quand c'est collé? Tu vois, quelqu'un, hey, la plus belle fille de ton quartier t'a dit bonjour, puis là, tu manges une kiss. Puis là, tu veux pas ouvrir la bouche parce que tu sais que les dents vont te rester sur la cuisse. Ah, c'est que la tête qu'elle est restée sur la cuisse. C'est ça, là, la vie est faite de même. Elle est faite et vient de même. Et vous, mes amis, toi, moi, j'ai rencontré Mme Rochette, Viviane Rochette, la seule, l'unique, celle qui a un sourire communicatif. Un peu comme Suzanne Lapointe. Mais un rire tellement sensuel. Parce qu'elle veut s'arrêter. Puis on dirait que c'est les spasmes. Et là, ton cerveau se met à fonctionner à 100 000 à l'heure en disant, si elle applique cette sonorité ailleurs que dans le rire, ah, oh, que de belles rencontres peuvent émaner de cette sonorité des plus spectaculaires. Hé! Hey, qu'est-ce que tu dis là, toi? Non, mais moi, je suis en pleine vibration. On peut appeler ça aussi... Il y a des... En Afrique, on fait ça souvent. Les chamans, la musique, hein, le vaudou. Merci, vaudou, ça va bien, toi? Oui, dou, ah, dou, dou, dou, comme ça. C'est dou, dou, dou, dou, dou, dou, dou, dou. C'est des transes, hein. Ça peut être très violent, les transes, c'est pas toujours doux. Ça dépend. Ça dépend de la personne qui se libère dans cette transe-là. Et je suis sûr que dans la chanson que l'on vient d'entendre, c'est aussi une certaine transe, libération, poésie. Ben oui, la poésie, elle passe partout. La poésie peut se trouver dans n'importe quel regard. Tu traverses la rue, les feux de circulation est une poésie. Ça dépend comment tu. Le côté vibratoire de ta personne. Puis t'es pas toujours comme ça, là. Ah non, elle a le dit, là. Tu vibres, tu vibres pour que ça se finisse que ça se termine au plus rapide. Non, non, non, non, tu veux pas que ça s'éternise. Tu t'en vas au point A, au point B pour ramasser ton argent, travailler à ton 100%, puis revenir chez vous, te relaxer un peu parce qu'au moins lundi va être passé. Après ça, le mardi, c'est un autre jour. Mardi, ben tu y vas. Bon, là, tu t'es dit que lundi, bon, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites. Fait que tu les fais, puis là, tu essaies de donner plus de dynamisme encore. Puis là, ben, ça y va. Puis là, tu dis enfin la fin de journée est là, puis tu te retrouves chez vous, puis tu te prépares au mercredi. Le mercredi, mais ben, là, par ça, je le dis. Puis c'est comment? Lundi matin, c'est la même chose. Et puis, sinon, Madame Turcotte aime bien tricoter. Elle m'a fait. Parce que moi, j'ai un micro, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est parce que, tu sais, on voit quand on regarde des films ou quand on regarde des émissions de télé, moi, je ne suis pas genre à voir ce genre de choses-là. On met un bonnet sur le micro. Oui, c'est pour freiner ou arrêter le bruit du vent. Oui, le vent, là. Le vent caresse les vagues. C'est doucement. Parce que ça commence par un début. On peut prendre ça dans le milieu, comme Momentum, le film Momentum. L'avez-vous déjà vu, Momentum? Je dis ça parce que je le vois, là. Je l'ai DVD. OK. Alors, le vent. Gentiment, joliment. Il manque un coup. Le vent caresse les vagues bleues, s'amuse dans les voiles, caresse les vagues bleues, s'amuse dans les voiles. J'ai reçu le mot de la Wall. Le mot de la Wall, je l'ai reçu en pleine gueule. Comme un imbécile. Tu chantais, man, les yeux fermés, les mains en l'air, comme Jules Vigneault. Man, à un moment donné, hein, ça pow, en plein sa bouche. On peut dire sa gueule, mais moi, ça, la mouche. Hey, la mouche me fait mal, ça me tremblote dans le garlotte. On dirait qu'il y a deux, trois dentiers qui viennent de tomber, quoi. Ouais, c'est un dentier, des dents sur le dentier qui viennent de me tomber. Non, j'ai pas de dentier, moi, madame. Comment ça, vous dites ça? Ah, parce que je viens de dire le mot. Ah, mon Dieu. Si vous croyez votre premier ministre quand il parle? Oh, d'accord. Votre mari, vous le croyez? D'accord, donc c'est intéressant. Oui. Moi, j'ai rien contre. Non, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour écouter, pour vous entendre, pour en savoir davantage sur les choses que l'on vous dit, que l'on vous mentionne. Êtes-vous toujours comme ça quand vos enfants vous parlent, là? Puis vous demandent quelque chose? Êtes-vous toujours aussi ouverte ou vous critiquez? Bon, là, coup de main, là. Hier, je t'ai donné 25$, là. Là, tu me demandes 20$. Hey, en 2 jours, 45$, qu'est-ce que tu fais avec ça, cet argent-là? Ou si tu dis, ah ben non, ben, je vais te le donner, ma chérie, 20$, qu'est-ce que tu vas faire? Achète-toi pas de la drogue, hein? Si t'en achètes, amène-moi-en. Tu fais des petites blagues comme. Non, puis il faut être connecté avec notre adolescente. À l'âge de 22, ben oui, mais là, c'est. Elle, à 30 ans, elle va être encore adolescente. À 40 ans, elle va rester. C'est une perpétuelle. Il y en a comme ça, des perpétueux puis des perpétuels. Ah, mon Dieu. Raymond, lui, c'est un perpétueux. Gaétan, lui, c'est un spiritueux. Ben, tu le regardes, là. Oui, il a l'oreille plus basse, la bouche plus haute, les oreilles qui ricanent. autres. Là, je vous parle pas du reste. Là. Moi, je n'ai pas demandé à sa femme. J'ai demandé à... Ben, en fait, j'étais intrigué. Hein. J'ai dit, Gaétan, c'est un gars impopulaire. T'sais. Ben, t'sais, parce que c'est un petit Joe connaissant avec la barbiche. Puis, hein, moi, je connais ça. Ouais, il connaît tout, mais sans savoir le sujet. T'sais, c'est comme ça. Tu parles de Jules Vigneault. Oh, je connais ça. Puis là, si tu t'arrêtes pour lui demander qu'est-ce que l'on vient de dire là, puis qui est la personne que l'on vient de nommer, oh ben là, parce qu'on s'arrête jamais pour. Parce que c'est un fanfaron de même, là. T'es un imbécile du coin, là, comme le chantait Jean Lapointe. Là. On voyait rien, nous les imbéciles. Parce que les imbéciles du coin, c'est les gens qui parlaient du gars qui avait les... voyait presque rien, et nous les imbéciles du coin, disions. Il jouait la comédie parce qu'il était non-voyant. Et on savait depuis longtemps qu'on voit bien que par le dedans et qu'il en était une preuve. Là, je te lance ça de même, là. T'sais, je te prends la chanson en plein milieu, là. On voyait rien. Puis là, à la fin, c'est on voit plus loin, nous les imbéciles du coin. Le titre de la chanson, c'est Les imbéciles du coin. Ouais. La connais-tu? Veux-tu que je la chante? Non. Les gens sont là, les bras. Non. Tu t'es assez exprimé de même, là. Non, on n'a rien contre. On aime ça, mais pas trop longtemps. C'est comme le. Comment t'appelles ça? Donc, de. Pas de la fondue, mais du sucre à la crème, hein? Plus t'en manges, ben plus le cœur te lève. Puis plus le cœur te lève, ben plus ça t'écœure. Hey! Hey, attends un peu, j'ai aimé le son que t'as fait avant, au début. C'est ça que j'ai aimé. Parce que vous savez-vous que depuis plusieurs années, le morph n'existe plus. Ils ont enlevé ça. Fait que si on se perd. Puis je sais pas encore si, tu sais, les Indiens, là, avec leur fumée, quand ils font envoler, quand ils font, avec leur, parce que, moi t'expliquer ce qui se passe. Ils font un feu, puis là, ils étouffent le feu avec un drap pour faire évacuer la boucane vers le haut pour se faire comprendre. Tu sais, en disant, René, arrête-toi, ta femme est pas encore partie. Laisse ta maîtresse et reviens tout seul. T'sais, ils font ça avec la boucane, là. Mais là, en morse, c'était plus facile parce que c'était des sons. Puis quand il y a du vent, essaye avec la boucane. Elle s'en va de tous les sens. Puis là, le gars, il sait pas lire. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, tu vois, quoi, ma femme amène d'autres femmes? Ah, mon Dieu, ouais, amenez-vous-en, vous. On sort du bord, puis on va chez nous. Ma femme est là, puis elle veut. Regarde-moi le bouquin que ça fait, là. Je connais pas ça, moi. Là. Non, mais j'essaie de lire ce que je peux bien lire, là. Moi, comme je disais souvent à ma femme, qui est une intellectuelle, t'aimes-tu ça, le son, hein? C'est pas trop stressant. Elle aime bien ça. Elle lit tout ce qu'elle a sous la main. Tu sais, elle est là devant les ingrédients. Ce qui l'amuse et ce qui la fait grandir, c'est de capter par les yeux tous les mots pour s'y approprier elle-même. Est unique. C'est pour ça que je l'ai aimé. C'est du passé. Hein? Je l'ai aimé. T'as-tu senti ça? Je l'ai aimé. J'ai pas dit que je l'aime. Je l'ai aimé. Puis des fois, je l'aime encore. Quand t'es pas là, je m'ennuie. Quand je m'ennuie, je fais de la... Oui, exactement. Je fais de la projection. Hein? C'est comme un film. Hein? Je me la projette, je me la revois. Et là, je me dis, oh, ça serait peut-être bien, là, de lui reparler, de lui dire, salut, comment ça va? Puis, où ça va? Salut, puis bye-bye, à la prochaine. Puis, t'as-tu 20$? Non, pas d'argent. Laisse faire l'argent. Ça fait que là, la mort, c'est fini. Depuis quand? Oh, mais il me semble depuis plusieurs années, là. Puis le morse, là, c'est pas le fuck qui fait ar! Ça, non, c'est comme ça, c'est des bips, là. Comme ça, là. Ce que t'entends. Fait que moi, je viens de. Parce que j'ai une formation en morcerie. Puis je me suis fait mordre par la passion de la morcerie. Et puis, non, ça se dit pas morcerie. Dites pas ça au bureau ce soir, demain, quoique. Gina, là. Lolo Brigida, parce qu'elle se prend pour une actrice, mais elle s'appelle Lynn Brisebois. Mais elle aime bien ça se promener. Je suis Lee, hein? Gina Lolo Brigida. Fait qu'on l'appelle Gina. Gina, là. Elle va aller au bureau parce qu'elle préfère le soir. Parce que tous les hommes sont en réunion, puis elle arrive. Hein. Elle est, c'est la seule qui est directrice générale. Les autres sont en bas de l'échelle. T'sais. Mais elle, elle prend son podium. Puis quand elle rentre, tout le monde attend et s'attend à voir le spectacle. Parce qu'elle a le sens de la répartie. Ah, je te dis, c'est une actrice, mais comme elle a pas, ça n'a pas fonctionné, non, non. Elle a été rejetée. Ouais, on va l'arrêter, celle-là. Ouais, t'as mal à la tête, Gina? Bon, OK. Elle a, non, elle m'écoute pas, Gina, non, non. Parce que ça, c'est de la fabulation. Si Gina m'écoutait, oh mon Dieu, je dirais tellement d'affaires. Je dirais, hey, arrête. Continue. Oh, hein? Pardon? D'accord. On y va. Si la pitoune veut fonctionner. Hey. Bon. Hein, t'as-tu senti qu'il y avait la. Attends un peu, là. Hey, ça, là. Moi, le faire réparer, je te le dis. On va essayer de l'ouvrir, la machine. Mais quand je vais passer dessus, là. Attends un peu, là. Mets ça sur 4, 3. Juste un petit peu. Bon. Oui, allô? Oui, Raymond? C'est Jean-Claude? Oui? Oui, je t'ai fait tes biscottes au four. Mais j'ai décidé au blé entier, c'est bon pour les intestins. Ça les fait fonctionner un peu, hein? Puis j'ai rajouté du yaourt. C'est bon pour la flore interstellaire. Oui, quand tu vas regarder le ciel, ça va tout. Ça va aller te chercher. Ah oui. Ça va te parler dans le ventre. Oh, c'est comme si tu allais avoir des enfants par-dessus tes enfants. Ça va être le cirque. Le cirque à l'intérieur, je te le dis. Ah, le clown va arriver. Faites-en pas. Le clown, il va en avoir des clowns. Au pire, écoute, Terence Rinaldienne. Oui, ben voyons donc, un clown de même, ça se fait pas. Ça se déconstruit. Hein? Ça se met dans des petites boîtes, mais individuellement, pour pas qu'ils se rassemblent encore. Faut éviter le rassemblement. Oui. Ben, c'est certain. Ben, je t'ai rappelé hier, hein? Tu m'as raccroché. T'as un problème de téléphone, je le savais. La téléphonie, hein? En 2024, ta téléphonie, ça vaut pas de la... De la salive à dépenser. T'as bien raison. On dépense pas. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, de la salive. Hein? Ça vient de notre bouche. Surtout la tienne. Ah, quelle bouche. Pardon? Non, j'ai pas dit quelle bouche. J'ai dit quelle bouche. Ta bouche à toi. Ta bouche à toi. Elle te parle d'aventure. Waiting in the fire, waiting in the fire. L'inspiration vient... Hey, j'avais quelque chose de fort, là. L'inspiration vient en parlant. La transpiration vient en ramant. Ramant. Ah, moi, j'en lis des ramants, là. Mais les ramants policiers, pas les ramants de science-fiction. Comment quelqu'un peut s'intéresser à la science-fiction avant de comprendre notre monde à nous? Bon, là, il y a des évaporés qui vont... Pour me faire danser. Les oiseaux. Non, mais pourquoi la science-fiction? Pour me distraire. Ben voyons donc, tu fais... Arrête de... Clémence sort de ce corps. Vous êtes-vous ennuyé de moi? Moi aussi, je m'ennuie de vous. Et c'est pour ça que je promets toujours d'arrêter, mais que je reviens tout le temps. Je ne peux pas me passer de vous. Mais j'aurais une question à vous poser, et soyez bien honnête, là. Levez la main, celles et ceux qui me découvrent en personne ce soir, là. Levez la main. Baissez les yeux. Qu'est-ce que vous attendiez? Que j'ai 75 ans? Ben, ça y est. Clémence de Trop de Rocher? C'est Rénal de Jamais de Gagner? Oui. Comment ça va, vous? Moi, ça va merveille. Votre main de pause? Je vis ma ménopause. C'est naturel, c'est normal, et ça fait pas mal. J'attends l'os, stéopause. Elle est terminée, ça fait pas longtemps qu'elle est terminée, là. Ben voyons donc, vous. Oui, mais à Charles VII. J'ai rendu sa couronne, tous le fuyaient, je vais à son secours. Pour l'oppresseur, l'héroïsme est un crime. Exactement. Vous connaissez, vous êtes vraiment notre première. Je suis une pauvre danseuse, spécialisée dans l'espagnol. J'ai une opération. Je suis une pauvre danseuse, spécialisée dans l'espagnol. Et pour mes danses langoureuses, je me suis fait des robes qui collent. Je connais aussi les claquettes, et quand je fais mon tour de chant, j'étais dans ma robe à paillettes. Muriel Millard, moi le devant. Une des premières. Bon, on peut mettre la Bolduc, là. Non, Clé-Clé, parce que je l'appelle Clémence. On est tellement amis, moi, puis Clémence, là, que juste Clé-Clé. Clémence, quelle grande poétesse c'était. C'est elle qui avait écrit ce splendide 12 pieds qui allait comme ceci. il comprend à son tour ce terrible décret « Quand la saucisse brûle, le boudin se défait ». Il ne faut pas dire « brûle-le » parce que vous allez avoir un pied de trop. Bon. Alors, j'aimerais, là, ensemble, faites-moi plaisir, de vous dire que quand je ne suis plus là, il comprend à son tour, ça c'est moi qui dis ça, pas deux lignes, vous ne serez pas capable. Ça, c'est les intimes, pas juste les intimes, les plus qu'intimes, les singuliers. Tu sais, il y a le public, hein? Il y a les fans, il y a les privés, puis il y a les autres. Nous, ben, on fait partie des autres. Fait qu'on l'appelle Clé-Clé, pour Clémence, bien sûr. Pas pour elle, peux-tu me prêter les Clé-Clé pour ouvrir la porte? Ouais, la porte est fermée, fermée, ouais. Peux-tu loulou? Ouais, parce que lui, il faut dire... Si tu savais ce que je vis, moi, en tant que comédienne, tu comprends ce que je vis, c'est effrayant, c'est que je voudrais pas, moi, arriver... Je voudrais épurer mon jeu, comprends-tu? Je ne veux pas être une fonctionnaire du théâtre. Je veux épurer mon jeu, je veux enlever les scories, je veux retrouver l'essence, t'as une panne d'essence. Oh, comme... Un peu de simplicité, ma petite. Prends-toi pas pour la Sarah Bernard. Hein? Mais toi, pour qui tu te prends, je te le dis franchement, ce que je pense de ton texte, hein? C'est du plantotage de planqué qui se regarde le nombril, c'est ça que c'est? Tu devrais pouvoir rendre ça, la contemplation du nombril. Ta grande spécialité. C'est des fantoches soudées par l'habitude. Mais non, mais écoute, c'est exactement ce que j'ai écrit. Maintenant, joue-le. J'ai pas dû apprendre à écrire. Retourne donc au conservatoire. Et ton interprétation, c'est l'assassinat de mon texte. Et ton texte, c'est la fin de ma carrière. Comment tu veux qu'une actrice arrive à jouer à la fin? C'est demain soir, la première. Je sais. Va-t'en. Laisse-moi travailler, tu vas me faire compoter complètement. J'ai peur de te... J'ai peur de rien, pas peur des loups, des rats, des chiens, ni des souris, ni des voleurs, ni des horreurs, ni d'un noirceur. Pas peur de la mort, c'est naturel. J'ai déjà trois maris au ciel qui seront bien contents de me revoir. J'ai peur quand je me regarde dans le miroir. Hey, voilà. Hein? Ah oui. Ça fait que... Là, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, tu vas rentrer au centre d'écueil. Il en vient d'en bâtir juste un beau, tout neuf, un centre d'écueil juste à côté. J'ai dit, d'ailleurs, j'ai été le visiter. J'ai dit, tu vas être très, très bien là. Il y a une infirmière qui va prendre ta tension, puis un docteur qui va prendre ta pension. Puis tu vas très bien entouré. Puis j'ai dit, c'est propre, c'est tout, c'est ça, tout vient juste d'être bâti. Et puis, j'ai dit, à part de ça, il y a chaque semaine, là, il y a une bénévole créole, elle s'appelle Carole, la bénévole créole. Et puis, elle vient vous visiter les vieux, tout ça. Elle est pétante de couleur, là, tu sais, c'est une femme de couleur qui est assez de couleur, tu sais. Et puis, elle s'appelle Carole, la bénévole créole. Elle vient de la créosote, la créolie. Elle vient de par là, là. Et puis, elle est très joyeuse, tu sais. Puis elle amène ses chants de son pays, là, d'où elle vient. Et puis, c'est toujours joyeux. C'était toujours « Alléluia! Alléluia! » Fait que là, elle ramasse les vieux qu'elle essaie de les faire chanter. Là, ceux qui sont sourds, ben ils font des simagrées, puis ils font semblant de chanter, puis ils n'ont pas de mémoire. Mais en tout cas, elle a réussi là, à faire des chœurs de 4-5 personnes. Et puis, elle leur fait chanter là, « Alléluia! Alléluia! Nous irons tous au paradis! » Avec ou sans ton mari, c'est toi qui choisis. Alléluia! Jésus dira, entrez, entrez, belle vieille dame fatiguée. Jésus dira, venez comme vous êtes, en chaise roulante ou en poussette, dans l'autobus de l'âge d'or, un sein en moins, le genou qui bord, les jambes enflées, le genou qui plisse, les vergetures et les varices, les trous de mémoire, les embolies. Alléluia! «

Vous êtes sur CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Errance Reynaldienne. C'est assez classique, ça. On dirait que tu fais de la vraie radio, mon Reynald. On dirait que tu fais de la vraie radio, mon Reynald. Que faut-il faire de ce cynisme? De ces cyclones, ces interstices? Que faut-il faire de ces infos? Ces épines plantées sous nos peaux? À quel âge faut-il faire un gosse? À quel âge faut-il se rencontrer? Jusqu'à quel âge faut-il que je bosse? À quel âge faut-il se quitter? Oui, je m'aime l'expérience. Ces instants nauséabonds sur nos écrans. Que faut-il faire des fleurs fanées, des faits divers d'humanité? Que faut-il faire pour protéger la part d'enfance et de gaieté? Combien ça coûte, je voudrais rêver un beau nuage d'éternité. Oui, je m'aime l'expérience humaine et je m'aime. Oui, je m'aime l'expérience humaine et je m'aime l'expérience humaine. Tailler nos espoirs en silence. Quand faudra-t-il respirer sourd, semer nos orages au long cours? Et je mène l'expérience humaine. Et je mène, oui, je mène l'expérience humaine. Et je mène l'expérience. C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent enfourer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs.

Par exemple, tradition. Non, par exemple, ton loyer coûte trop cher. Ouais. Okay? Ah, OK. Alors, tu dis à ton propriétaire, je quitte le 1er juillet, tout le monde quitte le 1er juillet. Donc, il n'y a plus de camion de déménagement, il n'y a plus de... Tout est plein 6 mois d'avance. Tout le monde a réservé quelque chose pour déménager. Et les pizzerias, les restaurants là, de pizza, c'est leur année incroyable. C'est leur journée qui font le plus d'argent. Pourquoi? Parce que tout le monde veut manger la pizza en déménageant. Puis la bière. Hein? Merci, monsieur. Monsieur, je vais prendre un chinois. Petit modèle, petit plus petit. Merci. Là, c'est la première fois que je prends, parce que là, je suis arrivé aujourd'hui. C'est ça, ouais, t'es arrivé aujourd'hui. Oh, ouais, donc, il est quoi? 9 heures de moins pour toi, normalement? 6 heures. C'est 6 heures. Décalage 6 heures, oui. Hey, je suis content de te voir, Serge, parce que je t'écoute depuis longtemps. Je t'ai vu sur scène au Dauteuil à Québec. Tu as fait le Dauteuil que tu as connu à Québec. J'ai écouté ton premier album pendant que tu étais avec Noir Désir, parce que tu as fait un album durant le phénomène Noir Désir. Un album silence, solo. Silence Radio. Oui, Silence Radio. Ouais, j'en ai fait deux, en fait. Oui, pendant, ouais. Pendant le... pendant l'existence du groupe, oui. C'est ça, exactement. Oui. Et ces deux disques-là, je les écoute encore, mais m'interpelle parce que c'est de un, c'est très peu chanté, c'est dit. Hein? C'est, tu fais de la narration. Tu l'as fait même avant Gainsbourg. On dit souvent Gainsbourg, le Van de Beat, mais toi, tu l'as fait. Mais pendant cette période-là, oui, hein, où tu parlais de tes faits. Je ne suis pas chanteur. Ouais, c'est ça. Tout simplement, tu vois, à cette époque-là, j'utilise ma voix. Comme un instrument, mais je cherche pas à chanter parce que d'une part je ne sais pas, puis ça m'intéresse pas, puis c'est un boulot à part entière, je suis avant tout guitariste électrique, tu vois. Mais j'avais besoin de ma voix pour faire ces projets. Mais moi, ce qui me plaît chez toi, c'est que tu es un être tout azimut. Ça veut dire que on t'attend nulle part et que ça arrive de partout. Tu es avec dans n'importe... Mais c'est vrai, on classe... Mais ça, je trouve ça un peu dommage que tu sois classé musique du monde, là. Parce que tu fais quelque chose avec un Africain, t'en fais avec lui là. On te voit sur des albums comme invité. Ah, t'es souvent invité dans plusieurs albums. On est surpris de ça. Ah, ben oui, il était là, ben oui. Tu sais, j'habite dans le 93, oui. En banlieue parisienne, oui. Depuis plus de 30 ans. Mais en fait, c'est un endroit que j'aime profondément. Je ne changerai pas d'endroit pour vivre, tu vois. Parce que c'est un endroit qui est une vraie promesse de rencontre hétéroclite. Ouais, c'est vrai. C'est comme ici en bas de Pigalle. Pardon? Ici à Pigalle, quand tu sors à Pigalle, que tu arrives... Oui, bien sûr. C'est vraiment bien sûr. Cosmopolite. C'est ça qui m'a plu quand j'ai aménagé ici il y a 33 ans maintenant, en fait. C'est que c'est un endroit qui s'ouvre au monde, littéralement. Parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier, qui s'installent, qui restent pas, mais ça, c'est un brassage permanent. Et j'ai beaucoup appris au contact de plein de gens que j'ai croisés, et évidemment ça m'a permis de faire toutes les rencontres que j'ai pu faire, qui m'ont emmené aux quatre coins du monde, en Chine, au Japon, en Nouvelle-Zélande, dans des endroits... Pardon? Au Québec aussi? C'est avec Noir Désir, je ne suis jamais allé en solo, non, en fait, ni avec mes groupes en dehors de Noir Désir. Mais jamais qu'on revienne au début, toi, t'es pas né à Paris, t'es né en banlieue, t'es né à... Je suis né à Saint-Étienne, c'est une ville centrale de la France. Ouais, exactement. Mais je ne suis pas resté, tu sais, mes origines sont du Massif central, a priori. Et puis, je dis a priori parce que voilà, il y avait déjà aussi beaucoup de mouvements de population au fil des siècles. Et il y a déjà pas mal de gens métissés dans les montagnes, en fait. Et j'ai grandi à Bordeaux. Et adolescent, j'ai monté Noir Désir. C'est toi qui l'as monté? Ouais. Ouais, je cherchais à monter un groupe avec un frontman, un chanteur, un vrai chanteur, mais qui chante vraiment, qui ne dise pas juste des textes posés, ouais, tu vois. Ouais. Et j'ai trouvé Quanta, à ce moment-là, on était à l'école ensemble. Ah, c'est une clique, hein? Un peu comme les Doors, c'est des amis. Ouais, c'est un groupe de jeunes ados qui se rencontrent soit au Bahut, soit à la sortie du Bahut. Et puis on décide de faire de la musique ensemble, et ça s'est fait comme ça. comme tous les jeunes groupes, tu vois. Ce qu'il y a de fantastique, j'ai trouvé dans cette époque-là, ce qui peut arriver qu'une seule fois dans sa vie, forcément, parce que t'es jeune qu'une seule fois dans ta vie, ouais. T'es d'accord ? Heureusement, parce que... je sais pas. Ok. En fait, c'est la découverte de soi-même, mais en parallèle, la découverte de la vie en groupe. Ah oui. Au niveau musical, je parle de niveau musical, hein. C'est-à-dire que tu cherches ton identité, ta propre identité en tant qu'individu à l'intérieur d'un groupe, et tu cherches ton identité forcément collectif, parce que tu es ado et tu crées ensemble. Donc c'est une création qui est très... qui n'est pas plus mélangée que celle que j'ai fait depuis, mais qui est différente, dans le sens où on découvre, en fait, c'est une découverte. Parce qu'après, une fois qu'on est arrivé à avoir une identité de groupe, en collectif, l'identité en personnel se renforce quelque part, musicale. Et après, toutes les rencontres que j'ai pu faire, quelque part, sont des rencontres, d'ailleurs non pas quelque part, c'est des rencontres avec des gens qui ont déjà une identité forte. Moi j'avais mon identité qui était là, parce que ça faisait déjà 20 ans que je bossais avec le groupe. Donc mes deux premiers albums solo, c'est solo, donc... Mais c'est pas toi qui écrivais les textes, c'est bien. Non, j'écrivais pas les textes, non du tout. Mais comment tu l'as pris? Pourquoi tu as su que ce gars-là pouvait écrire des chansons? Ouais, tu sais, il y a beaucoup de choses. D'une part, j'avais envie d'avoir trouvé un gars qui pouvait chanter du AC/DC. Ok. Tu vois, tu pouvais chanter du Bon Scott. Ouais. C'était purement musical au départ pour moi, tu vois. Et tu savais pas qu'il savait écrire? Non, je m'en foutais. Non, j'étais là pour la musique, pour l'énergie, après toutes les questions politiques et philosophiques, elles arrivent avec la vie, forcément. Mais vous adhériez aussi, vous étiez pas, c'était pas juste lui qui amenait ça, vous étiez un groupe, donc vous étiez pour... Oui, c'est un collectif, c'est une force de collectif qui a créé l'identité du groupe. Puis il y a un musicien aussi qui est passé très rapidement, qui est ressorti aussi vite. Qui était membre du groupe, Léon Désir. Pardon, je n'ai pas compris. Non, il y a quelqu'un qui est, je ne me souviens plus quel musicien, qui a fait un album ou deux, mais après ça, qui est parti. Non, il n'y a pas un musicien qui a pas... Il y a Fred Vidalin. Oui, c'est ça, ok, ouais. Oui, qui a quitté le groupe dans les années 93, d'après Tostaki. Et oui, c'est ça, il a tracé sa route en solo après, ouais. Fait, ouais. Parce que là, peut-être que l'idéologie de Noir Désir ne lui convenait pas, ou il voulait peut-être... C'est trop compliqué à expliquer, et c'est pas très intéressant de raconter... Okay. Toi tu le sais, ça reste... Je sais pourquoi il est parti, okay. C'était conflictuel entre nous dans le groupe, mais sans rentrer dans les détails, ça n'a aucun intérêt, franchement. Okay. Fred est parti. Okay. Il a tracé sa route, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un que je revois. Ok. C'est la seule personne que je revois du groupe. Travailles-tu encore un peu avec? Non, on travaille pas ensemble, on s'est juste... Deux amis. Ouais, dans tous les cas, on est en contact, tu vois. Il vient me voir en concert, il est intéressé par ce que je fais. Moi, son parcours de marin m'intéresse aussi. C'est un navigateur. Oh, oui. Et c'est un gars avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler musicalement parlant à l'époque du groupe. c'est un gars qui n'était pas bassiste à l'origine, qui était guitariste, qui jouait de la basse comme un guitariste, donc très mélodique. Et donc il était toujours tiraillé par le fait d'être servir la grosse caisse et donc dans la basse, servir juste les basiques extrêmement simples de Noirdaise. Et en même temps, c'est quelqu'un qui aimait qui vraiment la mélodie et qui cherchait des ambiances à la basse. Et moi, j'étais déjà dans l'idée que le son doit être une architecture qui doit être paysagée, qui doit être paysagée quelque chose, un propos, une idée, une réflexion. Et on a passé beaucoup de temps tous les deux à jouer. Évidemment, le groupe, c'était le groupe. Mais on se voyait, on habitait ensemble, tous les uns les autres, suivant des périodes en fait. Donc on bossait beaucoup, on bossait tout le temps. Hein. C'était tout le temps en recherche de notre identité, de notre son, de nos compos. Moi je composais évidemment énormément pour le groupe, parce que c'est un groupe de guitare, donc j'ai vachement composé. Et mais les choses se font... Naturellement. Pardon ? Naturellement. Oui, naturellement, parce que sinon, si c'est forcé, il n'y a pas de justesse, en fait. Et on était un groupe qui avait un propos assez, comment dire, assez entendu, parce que jusqu'à Tostaki en 93, en fait, notre public grandissait avec nous. C'est-à-dire que c'était des gens de notre âge qui venaient à nos concerts. Et donc c'est des gens forcément qui étaient en phase avec nous, qui avaient les mêmes considérations d'inquiétude pour l'avenir, de questionnement sur la société, qui avaient... on avait des préoccupations communes, tu vois, que ce soit dit ou non, mais voilà, c'était jusqu'à Tostaki, c'était vachement intéressant de voir ça. Et après, ça a complètement changé, parce que comme on faisait des grandes périodes de break entre les albums, l'album d'après a rencontré un succès populaire assez phénoménal, et on a eu en devant de scène des gens qui étaient jeunes, en fait, qui étaient ados. Et nous, on avait déjà, je sais pas quel âge on avait une trentaine d'années déjà à l'époque. Ouais. Donc, c'est très bizarre, tu sais pas pourquoi les gens sont là, s'ils sont là pour un tube, s'ils sont là pour ce que veut dire le groupe, ce que représente l'idéologie du groupe, ce que ça veut dire, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a commencé à me perturber profondément. Et il y a un sentiment de dépossession, de choses qui sont pas très agréables à vivre, en fait, même si les salles se remplissent. C'est des questionnements. Parce qu'à la base, c'était plus idéologique. Ça devenait peut-être par rapport à des choses trop commerciales. De toute manière, quand tu arrives à un moment où tu es très populaire, il y a une partie du public qui n'a au fond rien à voir avec toi-même. En fait. Quand en 2001, sur la dernière tournée de Noirdaise, j'invite le groupe La Rumeur, qui est un groupe de rap qui est vraiment important pour moi, et je découvre leur premier album. Je les rencontre, on devient amis, avec Amé en particulier, et je leur dis, ben voilà, moi j'ai envie que vous fassiez 10 ouvertures de concerts de Noirdaise. Et donc ils les font, je présente le groupe avant qu'ils montent sur scène. Je demande aux gens de bien les accueillir, de les écouter, c'est important pour moi, pour eux évidemment. Mais c'est la moitié du public, je pense qu'il y avait quand même un sacré nombre de connards dans les gens qui nous suivaient. Okay. C'est-à-dire des gens qui n'avaient rien à voir avec, dans tous les cas, ma façon de concevoir la musique et la philosophie de pourquoi on est là et pourquoi on fait ça. Et la parole contestataire de La Rumeur, leurs textes sont amés, c'est un mec qui écrit tellement bien. Des problèmes de société qui met qui met à jour en fait comme un espèce de zoom, tu vois, à partir d'une petite histoire de problèmes de quotidien des gens qui sont pas forcément des quotidiens des gens qui viennent à nos concerts, mais le fait qu'ils refusent de les entendre, qu'ils refusent systématiquement. Alors tu vois, c'est quand on est devenu ultra populaire, j'ai eu toutes ces questions qui m'ont vraiment bouleversé. Jusqu'à Tostaki ça allait parce que c'était des gens de mon âge. les gens de ton âge, tu peux toujours tchatcher, tu peux toujours t'engueuler avec, tu peux toujours... On est sur la même longueur d'onde. Quelque part, même si t'es pas d'accord, tu vois. Voilà. Mais après, c'est devenu plus compliqué pour moi. Et c'est là peut-être que ça a commencé à s'effilocher. Pas musicalement. Musicalement, jusqu'au bout, le groupe était solide, mais si tu veux, c'est un peu bizarre. Je pense que tous les gens qui rencontrent du succès ont le même problème, c'est que tout d'un coup, il y a plein de courtisans autour de toi et tu sais pas qui sont tes amis. Parce que tu sais pas pourquoi les gens viennent te voir. Du coup, tu perds. Si, je comprends que les gens veulent te rencontrer parce que peut-être qu'ils vont retirer quelque chose de toi. Mais il y a des gens qui vont se masquer énormément, qui veulent être absolument amis avec toi. Et tu as des gens. J'ai mis du temps avant de décrypter qui sont ces gens-là. Donc, qui sont ces vrais amis, ça devient compliqué. Ah, oui. Est-ce qu'il est ami parce que je suis connu ou s'il est ami parce qu'il prend mes idéologies? C'est ça. J'en sais rien, chacun c'est moteur. Avant de te consacrer ami avec quelqu'un, je te dis, parce que c'est beaucoup de temps aussi l'amitié, ça prend du temps, c'est enrichissant pour les deux, pas juste pour un. Alors il faut que tu prennes aussi, il faut que les deux soient communicants. Ouais, mais ça suffit pas. Pas parce que des gens se révèlent peut-être tardivement, mais des fois ils se révèlent et tu les attendais pas, tu concevais pas à quel point c'était des gens qui étaient tordus quelque part. Ah oui, ok, ouais. Et là, il est trop tard. Ben, il est pas trop tard pour tourner la page, mais il est trop tard pour partir. Tu te dis, j'ai perdu un temps fou avec cette personne-là qui ne méritait pas. Ouais, il faut partir. C'est à faire. Ça roule, quoi. Et une fois que tout ça a cassé, a explosé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ça devait être épouvantable. Quand le groupe s'est arrêté? Ben, c'est moi qui l'ai arrêté. Donc c'est un choix délibéré. C'est un choix compliqué parce que j'ai grandi. Oh non. Il l'a fait tantôt, mais non. J'ai grandi avec mes ex-collègues de Noirdaise. On partage beaucoup de choses, on est vraiment amis. Encore aujourd'hui? Pardon? Encore aujourd'hui? Non, j'ai plus aucun contact avec eux. C'était compliqué pour moi de prendre cette décision. Forcément, t'arrêtes un groupe qui est important pour toi, pour les gens. J'ai eu conscience de ça. Mais il fallait que j'arrête et que je m'en aille. Mais ils n'auraient pas pu continuer? Sauf que oui. Ils ne l'ont pas fait. Il faut leur poser la question pourquoi, tu vois. Vous avez rédigé quelque chose suite à ça? Non. Moi, j'ai fait un communiqué qui expliquait pourquoi j'ai arrêté le groupe, pourquoi ma rupture avec Berthe Conta. Ça a été très clair. C'est quelqu'un que je ne reverrai plus jamais de ma vie, je le dis, c'était terminé. Les autres membres du groupe, ils auraient pu très bien continuer avec nous. Je ne sais pas ce qui s'est dit après entre eux, mais pour moi ça a été une rupture non seulement avec Quentin, mais aussi avec les autres. Parce qu'il y a un sentiment de trahison très profond que j'ai ressenti, tu vois. Politique croche, j'ai grandi dans les chiffres du crime, le fond de manière exponentielle, zéro perspective d'un. compte sur l'aide providentielle. Je vois pas l'utilité de parler futilité. J'aimerais y croire, mais je crois que les frères s'en branlent de l'unité. Chacun son procédé pour trouver la prospérité. Certains font appel au diable, d'autres aux divinités. Nos conditions survivent, nos parties font peur. Un chant qui notre couleur, ni notre immense rancœur. J'attire par le sort dans nos quartiers destructeurs. Change ni notre couleur, ni notre immense rancœur. J'attire par le sort dans nos quartiers destructeurs. Les découvertes gros comme des cratères. La santé de nos darons part en miettes bien avant l'âge de la retraite. Avant celle dans le monde, on voudrait éradiquer notre propre famine. Les huissiers nous écrivent plus que nos propres familles. Chaque dé encrypté, crypté à chaque jour que Dieu fait. Du moins la dire qu'il existe un monde en dehors du quartier. Sortir pour aller où? Gros, je suis pas doué pour la vie en société. Y'a peu de gens qui nous comprennent à part les gens comme nous. On me reproche souvent de parler peu. Frangin, frangine, ce que j'ai à dire, c'est si glauque que parfois ça vaut mieux. Laisse ta dignité aux grèves avant de monter en lycée. Comme tu laisses tes bombes dehors avant d'entrer à la mosquée. Évoluer dans les quartiers aux libertés confisquées. Entre les schmitts embusqués et les racistes offusqués. Jugés par des instances aux cervelles étriquées. Compliqué d'y échapper, mais on reste impliqué. Condition survie, nos parvis font peur. Elles changent ni notre couleur, ni notre immense rancœur. J'attire par le sort dans nos quartiers destructeurs. Nos parvis font peur. Elles changent ni notre couleur, ni notre immense rancœur. J'attire par le sort dans nos quartiers destructeurs. Livre est vraiment catastrophique. Destinée s'écrivant tôt dans le tout qu'est notre ghetto. Devant se livrer à toutes sortes de trafic. Est-ce la faute de la couleur de ma peau ou à pas de peau? Je veux qu'on m'explique vite. Pourquoi c'est toujours moi et les miens qui portent le chapeau? Je reste explicite, le tacite peut pas décrire mes mots. Ha! Nos conditions de survie, nos parvis font peur. Elles changent ni notre couleur, ni notre immense rancœur. J'attire par le sort dans nos quartiers destructeurs. Nos conditions de survie, nos parvis font peur. Elles changent ni notre couleur, ni notre immense rancœur. J'attire par le sort dans nos quartiers destructeurs. Quartiers destructeurs. Jamais fait de pause. J'ai jamais fait de pause. Je travaille tout le temps. Oui, mais alors t'as voulu continuer pour ne plus réfléchir à... Non. Non, pas du tout. Tu pensais à autre chose, on a pas ça. Non, si tu veux, j'ai commencé mes deux albums solo, c'est, je crois, c'est 96 et 2000. Pendant Nordaise. Pendant Nordaise. Oui. Et à partir de 2000, je commence à faire des improvisations. Je commence vraiment l'improvisation libre. Oui. Pour France Culture au départ, et je réponds à des demandes en fait, d'amis écrivains qui ont envie de bosser avec moi. Donc, il y a Bernard Wallet qui est le fondateur des éditions Verticales, qui était correspondant pour le monde arabe au Gallimard, qui a vécu la guerre de Beyrouth à Beyrouth, français, qui écrit un texte à son retour des années plus tard. Et il me demande de mettre en musique. Donc ça sera en improvisation. C'est mes vraiment premières improvisations totalement libres. Alors t'arrives avec ta guitare. Ouais. Et en fait, à partir de là, le groupe existait toujours. J'ai commencé à développer des rencontres, à faire d'autres rencontres avec Lydie Salver, par exemple. Ouais. Qui est une autrice avec qui je suis toujours super ami. Ah, tu préfères autrice à auteur, hein? Bah, oui. Pas autrice, ou auteur, eux. Enfin, oui. Autrice, c'est plus simple pour moi. Mais ouais, en fait, je commence à ce moment-là à avoir des relations de plus en plus avec des gens que je rencontre parce que j'habite dans le 93, parce que j'habite Paris. Et c'est des gens avec qui je lis d'amitié. J'habite ici depuis déjà depuis 91, donc je commence à tisser des liens avec des gens à droite à gauche, des musiciens. Donc c'est, j'ai la, ma tête qui s'ouvre complètement pour répondre à d'autres envies musicales que j'ai en moi. D'autres pulsions. Ouais, et tout ça, Noirdaise existe encore à ce moment-là, tu vois. Et je commence à travailler dans ce sens, de commencer à faire des rencontres et à faire des projets, on appelait ça les projets annexes à l'époque, qui ne sont pas du tout des projets annexes, c'est des projets en eux-mêmes. Et ma rencontre avec Khaled Al-Jaramani, c'est une rencontre qui est décisive, parce que je dois aller avec Idi Salver à Damas, et Sylvain Fourcassier qui nous fait venir à Damas, qui était directeur du Centre culturel français à Damas, me dit j'aimerais bien faire venir Noirdaise, je lui dis si tu veux, on est en tournée, bientôt on sort un nouvel album, on a envie de tourner en dehors de la France et j'aimerais bien qu'on tourne au Moyen-Orient. Donc on voit, je vois avec lui pour qu'on puisse organiser une mini-tournée au Moyen-Orient. Et il me dit tu reviendras avec Louis Salver l'année d'après, je lui dis ouais très bien, ça me va. Et à ce moment-là, il me dit, quand tu viens, il était ami avec Bernard Boilet, donc le créateur des éditions Verticales. Donc c'est deux auteurs, Sylvain Fourcassier est auteur aussi. Et ils me disent, on a rencontré un oudiste à Damas, et on pense qu'il y a quelque chose en commun, vous avez des choses en commun, vous avez quelque chose à vous dire. Donc il sera là quand tu viens avec Noirdaise et... il sera là et il viendra avec son oud. Donc Khaled Al-Jaramani est venu avec son oud chez Sylvain Fourcassier. Il a fait un concert. Il a joué quelques morceaux comme ça et j'étais estomaqué par son jeu de oud. Qui n'est pas du tout un jeu, on va dire, dans la tradition une certaine tradition du oud qui est joué comme un instrument qui vise l'intérieur de l'âme. Quoi. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui, c'est pour moi très concrètement, c'est quelqu'un qui a attaqué le oud, comme moi je pouvais attaquer les cordes d'une guitare, avec la main droite, je suis droitier, donc avec beaucoup d'attaques, et la colère qui en sortait était très claire, et le premier morceau qu'il a joué, pour moi, c'était un morceau qui parlait des bombardements du père Bush sur un endroit qui avait été... qui était soi-disant un endroit qui abritait des militaires. Et finalement, il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait des vieillards. Pour ça, Khaled, il a manifesté, il est passé 9 mois en tôle, dans les geôles syriennes qui sont hyper dures. Il n'a jamais été jugé, bien évidemment. Et il a joué ce morceau-là, en fait. Il s'appelle Wings. Il s'est appelé Wings, parce que finalement, c'est devenu un des morceaux du premier Interzone où on l'a arrangé à deux. C'est un morceau de Khaled, au départ. Et Khaled est venu me voir le lendemain en concert de Noirdaise. Sorti de scène, je lui ai dit, voilà, mon groupe c'est ça, mon énergie c'est ça. Je reviens dans un an avec Idi Salver, j'aimerais bien qu'on se rencontre, qu'on fasse de la musique ensemble. Et à ce moment-là, quand je suis revenu avec Idi Salver, je suis resté 4 jours de plus et j'ai rencontré Khaled Al-Jaramani, où on a bossé chaque soir, il était professeur de oud toute la journée. Donc, le soir, il rentrait, on se voyait de 9h à minuit. C'était compliqué parce que c'était le ramadan, donc les gens étaient hyper tendus et le bus était bondé, c'était pas facile pour lui, je me rappelle, mais on se retrouvait, donc on n'avait pas le temps de parler, on faisait de la musique tout de suite. Non, c'est bien, ça. On a fait 4 morceaux, 1 morceau par soir, il m'a invité chez lui, et puis après, en partant, on était contents parce que c'était la fin de notre histoire pour nous. C'est-à-dire que je fonctionne comme ça aussi, tu vois, c'est... Une rencontre avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut se raconter? Ça n'a pas forcément d'autre but que juste une rencontre. Et c'est pas dans le discours, c'est dans la musique, c'est ce qui est merveilleux. Ouais. Mais la musique amène le discours. C'est pas. Ça marche dans tous les sens en fait. Disons qu'il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait une entente philosophique sur pourquoi on fait ça. Et en même temps, une entente musicale, bien évidemment. Il faut qu'il y ait les deux. Sinon, il n'y a pas de projet pour moi. Il n'y a rien qui peut se tenir. Et après, Khaled, je lui ai dit, avant de partir, je lui ai dit, bon voilà, on était à Damas. J'aimerais te remercier pour m'avoir accueilli, pour avoir donné de ton temps. Et il m'a dit, mon rêve, ce serait de jouer au moins une fois dans ma vie en Europe. Donc je lui ai dit, je me débrouille pour organiser, trouver un concert dans un club en banlieue. et j'ai trouvé à Saint-Ouen, chez moi, la main-d'œuvre. Le lieu qui s'appelle main-d'œuvre. On était embauchés deux soirs. Donc Khaled, il est venu quelques mois plus tard, deux mois plus tard, je crois, cinq jours avant. Donc on a fait encore un morceau par jour. Et finalement, on a joué notre premier album. Et on a toujours composé extrêmement vite. Et sans le savoir, en fait, le lendemain, on avait un papier dans Le Monde. Barclay, la maison de disques dans laquelle j'étais avec Mordez, ils étaient hyper intéressés pour sortir l'album. J'ai un pote qui était tourneur, qui était venu là par amitié, qui a absolument voulu nous faire tourner. Et donc moi j'étais juste en train de rendre la politesse à mon pote. Et finalement ça nous a amené jusqu'à aujourd'hui où Khaled habite Lyon, il a fait venir sa femme, ses enfants. Et puis on enregistre notre cinquième album en octobre. Tu vois. Donc c'est un exemple de type de rencontre que j'ai pu faire. Avec les années. Avec les années, puis j'en ai fait énormément, énormément, énormément. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui n'arrête pas de travailler. C'est ça que je te disais aussi, quand on s'est rencontrés tout à l'heure, je t'ai dit que tu étais dans plusieurs projets. Quand on achetait certains disques, on voyait ton nom, ah oui, ok, il a collaboré, tu collabores avec beaucoup d'artistes. Ouais. C'est-à-dire que c'est toujours des créations. Oui, oui, oui, c'est ça. C'est des co-créations, je crois. Comme avec Noirdel, c'est des co-créations avec tous les individus, en fait. Et donc, à part que maintenant, j'ai toujours affaire à des compositeurs, donc c'est toujours des co-compositions. Ouais. Mais trouves-tu que c'est plus facile de travailler à deux que de travailler à quatre ou à cinq? Non, et je crois qu'il n'y a pas de règle. Okay. Par contre, je peux te parler du duo, c'est une formule que j'adore parce que forcément, s'il y en a un qui arrête de parler, il n'y a pas de réponse donc, à ce que tu dis, donc tout retombe en fait. Donc il y a une intimité de la relation, de fait, qui est posée par l'entité du duo. Et donc il y a une intimité que les gens ressentent, il y a une relation émotionnelle qui est en flux tendu, qui permet d'avoir, je pense, d'être... On ne peut pas se reposer sur rien d'autre que sur l'autre, en fait. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay même temps, on peut appeler ça de la magie à deux. Ah, c'est une certaine magie. Un veut enrichir l'autre. C'est de l'alchimie, c'est sûr. Exactement. C'est toute l'histoire de la musique, de toute manière. Ouais. Un jour, en plus, on est bon, un jour, le lendemain, on est moins bon, ou des fois, on est mauvais, on le sait très bien quand on a mal joué. Mais le plus important, c'est l'état d'esprit, en fait. Mal jouer quelque chose, c'est normal. Je veux dire, rater une journée, c'est normal, on rate tous nos journées. On rate tous des journées dans notre vie. La musique, c'est pareil. On n'est pas en train de faire des shows. Donc, j'ai quitté complètement cette... J'ai jamais été dans cette conception de faire un show, en fait. C'est du spectacle vivant. Faire un spectacle. Pour moi, la musique, elle doit être jouée en live, en fait. C'est la chose la plus importante. Les albums, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'en ai fait une trentaine, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est des choses qui me permettent d'avancer pour jouer, en fait. Et je suis tout le temps en concert. Toi, ce que tu veux, c'est que tout le monde soit ensemble. Ce que je veux, c'est jouer. Jouer le plus possible. Parce que quand on joue, plus on joue, mais on est, plus on découvre des choses de soi-même et des autres. Et être avec quelqu'un, c'est apprendre de soi-même. Donc j'apprends tout le temps avec quelqu'un que je vais rencontrer, avec qui je vais travailler. J'apprends beaucoup de lui, évidemment, mais j'apprends beaucoup de moi. Donc ça m'enrichit. C'est un miroir. Donc le duo, il a cette particularité, en fait. Interzone, on a toujours fait nos albums en duo, mais des fois, c'est super intéressant. Je suis arrivé là-dessus il y a quelques années. Vous êtes rendu à trois albums, deux, trois? Quatre, on a fait quatre. Ok, ah, mais moi j'en connais juste trois. Tu connais les albums qui sont sur Barclay Universal parce qu'ils sont en streaming. Mais mes albums, mes albums après sur mon label, ils ne sont pas en streaming parce que je suis contre la rémunération, en fait. Comment la rémunération des artistes en streaming est tellement dégueulasse. Ah non, mais moi je vais chercher ça sur une plateforme, ok, qui est indépendante, c'est pas iTunes, pas du tout, c'est 7 Digital. Okay. C'est une plateforme qui n'est pas commerciale, là, qui okay. Puis donc on peut trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de tes œuvres. Et puis Interzone, moi j'en ai vu trois, mais moi j'en connaissais deux. Et je trouve que vraiment c'est super intéressant, c'est très intéressant. Comme tout ce que tu touches, on dirait qu'il y a une ligne médiane qui est le fait de rentrer en transe. On sent la transe dans chacune de ces œuvres. La transe est importante pour toi. Oui, c'est aller au fond des choses, quoi. Oui, mais enfin, c'est oublier aussi, c'est de plus être toi et de représenter la musique. Pas d'ego, il n'y a rien, il y a juste bien sûr. Le musicien. Bien sûr. C'est là que l'histoire est allée prendre les gens d'ici, Urépimbar, Tron et les autres. Des gens tout à fait ordinaires, elle avait besoin de ces gens-là. C'est avec des gens ordinaires, avec des inspecteurs et des sous-inspecteurs que l'histoire compose ses aventures. Ils n'en demandaient pas tant, eux, ils se trouvaient très bien dans leur destin exigu. Il paraît qu'il existait des époques où il n'arrivait rien. L'histoire, c'était pour les autres, on pouvait rester sur le bord, laisser couler. Mais aujourd'hui, il arrive quelque chose à tout le monde. Tout le monde est en coup, notre époque est ainsi. À l'époque, une belle époque. Tout le monde est dans le coup. Comme on voudra. Une époque où il n'y a plus de refuge. Les gens d'ici se croyaient préservés de tout. Ils étaient enfouis sous les épaisseurs de gros traitements, dans les profondeurs de beaux quartiers. De lourdes portes à plaques de cuivre se refermaient noblement sur leurs bonheurs invulnérables. Ils étaient assurés contre le vol, l'incendie, les enfants, les accidents d'auto. Mais ils n'étaient pas assurés contre l'histoire. L'histoire les a délogés de leur bonheur, jetés dans la nuit, la faim et la merde. C'est cela notre part d'histoire. Nous avons vécu de l'histoire comme ceux qui ont fait les croisades. Ceux qui ont fait la révolution. On ne pense pas vraiment à ces types-là. Nous avons oublié l'histoire comme ceux qui ont fait les croisades. Ou ceux qui ont fait la révolution. On ne pense pas vraiment à ces types-là. C'est vrai pourtant qu'ils ont été les pauvres bougres. Eux aussi qui traînaient la patte, qui en avaient marre, qui rêvaient de paille où s'étendre, se vautrer, dormir, bon Dieu, dormir. Et ils avaient la fièvre. Ils disaient qu'ils allaient se coucher là, sur la route. Et qu'ils se foutaient de ce qui arriverait. Une sale époque, une belle époque. Qu'est-ce que c'était la révolution? Comme on voudra. Notre époque est ainsi. Tout le monde est dans le coup. Tout le monde est dans le coup. Notre époque est ainsi. Tout le monde est dans le coup. Notre époque est ainsi. Notre Yann Péchin en fait aussi, c'est un musicien de trance aussi, comme tu es un musicien de trance. Tu trouves pas? J'ai des photos, ok, sur toi à Québec, quand tu faisais des solos, écoute, tu regardes la photo, je voulais te l'amener, je l'ai complètement oublié. C'est personnel, là, c'est des photos personnelles, et t'es en transe. Oui, parce que la musique rend, la musique soigne, la musique rend heureux. Une journée sans musique, c'est une journée foutue. Non, mais tu t'abandonnes, tu sais même plus que à la fin du spectacle, je suis sûr que tu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a toujours été comme ça, mais... Mais c'est ça la France aussi. Oui, certainement, mais la plupart des musiciens de musique chorale fonctionnent comme ça. C'est de plus en plus rare. Tout est calculé. Non, je crois pas. Non. Il y a plein de jeunes groupes, notamment, tu connais les Psychotic Monk, c'est un groupe français de rock. Qui chante en anglais. Extraordinaire. J'ai même pas fait gaffe, je crois, ouais. Je vais aller voir. C'est un truc à vous. Psychotiquement. Oui, les moines psychotiques. Non. C'est extraordinaire. Okay. C'est un putain de groupe de rock français. Ils ne sont absolument pas dans les stéréotypes. Ils ont quel âge, 25 ans? Ouais, 25 ans, genre. Ouais. Ouais. Basse, batterie, guitare, chant, ils chantent tous. Est-ce qu'ils savent que tu les écoutes? Non, du tout. Juste, je suis tombé dessus, je suis vraiment très admiratif de leur travail, de leur énergie, de leur trance aussi. C'est vraiment, c'est très habité leur musique. Ah, c'est bien. Ouais, très très habité. Moi j'adore ça. Et je te le conseille vraiment. Et en plus, ça marche plutôt pas mal pour eux alors qu'ils sont à contre-courant de tout ce qui est commercial. Donc vraiment. Mais ils sont pas sur une étiquette connue là. Non, pas du tout. Okay. Mais par contre, il y a un public qui les suit en ce moment. Okay. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Okay. Non, des musiciens, il y a plein de bons musiciens, il y a plein de musiciens créatifs, il y en a partout. Le problème, c'est que l'industrie de la musique, ça cache tout, mais prend toute la place. Après, nous, on fonctionne en réseau, on fonctionne dans les angles morts. Il y a toujours possibilité d'exister. Il faut chercher les endroits. Est-ce que tu es content du produit audio que ça donne aussi? Des fois, tu es déçu que tu aurais aimé plus de budget ou de la sonorité. Pour mes projets? Oui. Je me pose pas cette question. Disons que j'avance presque jour le jour, okay, projet par projet. Et quand je décide de monter un projet, j'ai appris, en montant mon propre label, à tout faire. Et donc, j'ai eu besoin, après Nordès, de reprendre ma vie en main de A à Z. Okay. Et jusqu'à le premier tourneur qu'on a eu pour Interzone, c'est le même tourneur que Nordès. Et ils me disent, on tourne un backliner par exemple. Et je veux pas de backliner. Je veux que personne s'occupe de moi. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. C'est toi qui... C'est-à-dire, si je casse une corde sur scène, c'est pas grave, je la change. Et mon pote fait un solo pendant ce temps-là. Tu vois? Et puis terminer les méga concerts dans des endroits où il y a 10 000 personnes ou 50 000, etc. Donc j'ai toujours su quel type de musique je faisais, si tu veux. Je sais très bien que je fais pas du tout de musique qui est populaire. Depuis Nordès, j'en fais plus du tout, mais je sais à qui je m'adresse et quel nombre de personnes ça peut intéresser par vie, c'est-à-dire que je joue dans les clubs. Donc tu as un rapport direct avec les gens et j'ai retrouvé une façon de faire de la musique de façon très sereine et très simple. Tu m'aimes la musique, c'est ça? Oui, puis je suis toujours étonné que les gens me suivent ma musique parce que c'est bizarre. Parce qu'en fait, je fais pas de la musique que pour moi, mais à la fois, je fais toujours la musique que j'ai envie de faire sans vouloir plaire au public en fait. Mais il se trouve que les gens me suivent et ça m'a toujours étonné. Et au jour d'aujourd'hui, je suis toujours étonné. Et je continue pourtant. Regarde là-bas, qui vaut le tour des femmes de l'opium. Moralité, il est moralité. Tout passe, tout casse, le joint, le culasse. J'te dis chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.